dai dai dai dai dai dai dalle bye sale sale sale sale sale sale grosse moi demi wana wana wana wana wana wana dalle bye sale sale sale sale sale sale on me dit stop l'alcool et la clope on a trop squatté le bitume non stop j'suis avec mes guerriers on fait péter le champagne on arrive à baler ton équipe tombe en panne oh oui testé mon équipe impossible j'étais pour je te le dis fais passer soit ta guerrier de la mafia guerrier j'attire la capulerie j'attire la gaminerie j'attire les biffies aussi on se retire les bombes on fait se bomber les masques tombent oui on va les plomber j'suis avec ma guerrier love et pas me brancher tu peux te faire bomber Tu connais le TikTok, trahis pas l'omerta, on est anti-harayou. Et quand tu fais du bifton, faut pas montrer la quiche, ça c'est les faux voyous. L'avenir est dans tes mains, chacun son destin. Les bâtons dans les roues, je les mets dans l'intestin. J'en ai traversé des galères. J'veux le pack, top dans Westmoreland, gringo. Faut creuser dans ta pastèque, comme dans Alice in Borderland. La vie m'a mis des revers, et si j'pète le million, tu me verras pas en rover. Dans la pierre, je reverse. Investis comme converse avant que ton cerveau convulse. Quand le temps se renverse, plus personne te propulse. Faut affronter l'averse, enragé comme des pitbulls. Et les couteaux dans le dos, je les vois sur le radar dans le cul. Pour des sous et moi, j'te ramène ta commande. Du shit, la peu de la Céana à la demande. Tous s'y mentent, tous s'y mettent. Ils parlent de terrain, ils sont même pas dans le 6 mètres. J'suis jamais pris pour un autre, j'suis toujours resté neutre. Derrière le maillot, y'a écrit Herbel numéro 9. QDR, zéro bluff, faut du pif. QDR, 09 dans leur pif. QDR, j'suis la frappe que de la peuf. Dans la feuille, j'mets deux blancs, deux pétards et j'le pète. Tire de bord sur la boîte, tu restes bête. Fantôme, next level. J'lève mon verre à ceux qui m'en veulent. Vite dans leur cas, vite la yolka. Concentre-tu, c'est ce qu'ils veulent. Organise pas fond familis, mafia, quelqu'un font qui family. Doré de platine, trop dans le style, ça vise milliards ou pas qu'un style. Gère la prod, la conne, jusqu'à la session. Ne me fais pas mal à la tête, tu poses trop de questions. Tu sais qu'on est méchant quand y'a trop de pression. On a trop besoin d'air, voir d'autres horizons. Ils s'attendaient pas à moi, c'est Dieu qui donne et c'est pas moi. Au final j'ai nourri des ingrats, je leur tends plus la main, je leur fais un doigt. Sorry, les ennemis d'aujourd'hui, je les ai serrés dans mes bras. Elles croient qu'on l'envie, mais pour avoir la donnée quoi. Ma DM, pas pour accailler mais gagner la guerre. J'dois larguer la BR sur ton rinté, j'ai garé ma BM. Partout c'est chez nous, jusqu'aux Émirats. J'suis dans un ovni avec Angelina. T'as pas fait la somme, pourtant tu fais la folle. On est 140 à remercier la zone. On m'a donné le go, ils m'appelaient Brother, ils m'ont tourné le dos. Le combo, FIFA Sativa, freestyle en équipe 13 à la visa. C'est Marseille, c'est pas les States, c'est pas Paris. On a l'étoile, on n'a pas les Qataris. C'est réel, c'est pas Booba, c'est pas Caris. J'ai fait un feat, elle veut que je la marie, très organisé. Où dis-moi, j'étais où? Demande à Soso, Zumba Café où? Marseille que des loups, fais gaffe où tu traînes. Cache bien ta Rolex, demande à bébé où? C'est le QN, le QS et le CV. A 140, tout sauvé, l'RDV. C'est réel, tu croyais que tu rêvais. Le gym a fait la passe D, j'ai mis la retournée. Très organisé, j'ai mis le pare-balles. J'ai jamais demandé de prendre mes patins. C'est mon gâté, on partage la plata. J't'envoie l'ange de la mort te faire un câlin. Le gamin s'il sort de la conception. Pour bien vivre, faut faire des concessions. Je viens de faire 100K sur une section. Ça peut t'effacer avec une pression. Ça peut te livrer jusqu'à un dôme. J'préfère les plans en somsom. J'suis en vacances à Bodrum. De coups de Glock, ça fait bonbon. On a Tika sur la guitare. Non, ça va pas, j'suis en pétard. J'vais arriver, ça va barder. Comme dans Kaït, ça va charcler. Audi Carbo dans la neuzo, plus de sentiments comme les robots. En rediff sur le Medino, j'suis en transac dans la Medina. Sans fermer les portes, on passe par derrière. C'est tout pour maman, c'est la guerrière. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Toujours présent pour niquer ta mère. Et moi j'la fais danser pour rentrer. J'mets la caisse en boîte 10. Elle m'a dit j'aime trop la street. Et j'aime ton accent français. J'suis de là, j'suis de la stèle. Ils veulent nous suivre, star for la hisper. Trop choqué, ils crient la hyster. La hystèse, la hyser. Dans la zone, la zone, c'est réel les grosses relations. C'est sérieux, c'est réel comme vide maman. Le temps passe sur la vie de ma mère. Trop speed, j'oscille entre bien et mal indocile. J'profite de nos vies nocives. L'impossible est plausible. Horrible road movie, y'a pas de pilote dans le cockpit. Hostile, solide, j'tiens la forme sans crossfit. J'chronique nos vices morbides, atomise le chromie, omise la protagonise. Oh oui, c'est la folie, elle est sortie. Dans mon jardin, j'veux une panthère, au poignet droit une Richard, et à gauche une Patek, une villa sur la mer au village. Et repenser au temps d'avant quand j'étais par terre. J'suis le méchant qui apprécie dans le film, guitare électrique, charismatique comme Annie. Bruce Capé prend la pique, chemise royale, allô. Comme Grimato, je mets le but égalisateur. Je suis Rivaldo, le triplé démoralisateur. Le consommateur dans le collimateur. C'est le 13 organisé, je connais l'organisateur. La quiche t'attend le congélateur. Merco du sénateur à 300 l'indicateur. J'ai traqué le tracker, j'ai même hacké le hacker. C'est à la fin du braquage qu'on paye les braqueurs. Fréquentable comme Kim Jong-un. Un deck, y'a les handdecks qui t'entourent. Ça fait pour pas de ding-ding-dong. J'écris des paroles hardcore, elle répond mi à mort. Bébé remue ton corps, c'est le prodige Namor. Je donne du respect avant que vous ne partiez. Loyauté pour les jeunes dans nos quartiers. 30 ans dans les studios sans répit. Transmet l'énergie aux petits à l'épide. On n'est pas esclaves de la société. Le soleil te guérit de l'anxiété. Je leur envoie un front kick, ramasser les junkies. Toute la ville est conquise, la famille est funky. J'attaque sur le son, tu le mets à fond. Action, Mars et City, la perfection, attention. Passe-leur comme Jay-Z, Brooklyn comme Biggie, légende comme les Bee Gees, poteau c'est du street skis. La petite sous le bras gauche, le costume à Madoff, au taquet dans la Porsche, une roue scoff, j'suis au top. Quartier sud, bombe le torse, c'est les quartiers sud. Un coup de marteau dans la nuque, on monte au nord en parachute. Mi amor, mi amor, j'arrive en cabran sur le vieux port. Mi amor, mi amor, j'arrive en cabran sur le vieux port. Courage, arrête de courir. C'est toi et toi seul qui choisis ton chemin. Réfléchis et agis. Fais tes choix, vis avec tes erreurs. Les faces à tes peurs, au bout y'a le bonheur. Rien n'est facile, tout est possible, le temps passe vite. Bravo de la route, pas de GPS, tu connais l'adresse, très organisé. Avec le MIF, dédicace au J, comme d'habitude, ça kiffe la night. On veut une baisse, la vie est belle. Mais est-ce que tu la kiffes? C'est le 13 qui s'organise afin de mettre la lumière sur la ville. Qu'est-ce qu'on dit, on dit merci le J. A chaque fois le projet est solide. Légendaire comme coup tête de bolide. C'est pour les frères de la casse et la solide. C'est Marseille qui s'unit pour la Cali. T'as celui qui t'a s'il est pané. Demande à Zitoun, tout est carré. Hey, je suis sorti, j'ai la bonne cam, j'ai la bonne com. Hey, on va les laisser par terre, t'es plus de leur partie. Préfé partir, tu montes partout, je suis pas là pour filer par deck. Ouais, là je suis imbattable, 300 kilos. Pour nous c'est de l'eau, on peut te les ramener. Fais les bandes de bâtards, là j'ai la Cali. Celle qui te fait danser le coupé, décalé. On m'a dit le A, c'est trop. Là t'es multicatégorie, on m'a dit le A, c'est pro. Mais dans la street tu prends trop de risques. C'est Marseille, pas Clanton, je vais t'écouter partout. Moi je mélange pas, eux ils font des partout. C'est les quartiers sud, on envoie les cartouches. Je vois la vie en rouge et noir comme dans la famille partout.